Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou. Je pense que j'essayais d'y aller fâché, tu sais, tout le temps, Palmarès, c'est fou, tout trop excité, tout le temps à m'en faire chaque semaine. Palmarès, c'est fou, tu sais. Fini sur une grave. Donc, bienvenue à cette émission qu'on appelle Les Palmarès, c'est fou. Moi, c'est Mathieu Plante et c'est la semaine du 16 au 22 avril 2012. Cette semaine, à l'émission, on va avoir pas mal de nouvelles entrées, hein, du côté francophone. Il y en a 5. On va entendre les fils de Brut, Salomé Leclerc, Métropole, Daran et les Revenants. En anglais, il y en a 2. The Mars Volta et Hell Songs. La semaine passée, en première place, du côté francophone, c'était Lisa Leblanc avec Cerveau Ramolli. Alors qu'en anglais, c'était Foxy Shazam avec Holy Touch. On va voir si ça tient d'ici la fin de l'émission. On a aussi dans l'émission d'aujourd'hui Justine Renaud avec ses tartines de Justine. Elle est en fin de retour après une absence de quoi 2-3 semaines. On va aussi avoir DJ Catardi et sa collègue Drop the Bass. Ça s'en vient plus tard. Hey, les meilleurs moments d'assemblage requis. Comment oublier ça? C'est un instant classique d'ici la fin de l'émission. Mais on débute en 20e place de chaque côté. Deux nouvelles entrées. Du côté anglo, c'est Hell Songs avec Walk. Mais on débute avec les Revenants. Deuxième extrait de l'album Bête Lumineuse. Après Beau Danseur, voici la candeur d'un inconnu sur C'est fou. 89.5. I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You want in, get under my skin and call yourself a friend. Well, I've got more friends like you. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Read it's easy to achieve. You cried a weak friend, said sympathize. Hear the violins, they're playing you your song. Same friends tell me you're everywhere. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been belong. You can't be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Respect. La pièce Walk de Hellsongs. Ici dans le palmarès, c'est fou. Oh que oui. Et ça, Hellsongs, c'est ceux qui reprennent des chansons connues du rock et de d'autres domaines, j'imagine. Donc, c'était sur leur nouvel album qui s'appelle Long Live Lounge, live with members of the Gothenburg Symphony Orchestra. Voilà. Justement, ce côté franco, on a entendu les revenants avec la grandeur d'un inconnu sur l'album Bête Lumineuse, deuxième extrait de cet album-là. On s'en va au 19e place maintenant, entendre du côté anglo The Mars Volta avec La Pashka. Mais on débute avec Daran. Voici Kennedy. Le Top Palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Stopper notre jeunesse, la nuit nous a pris de vitesse. Il n'y aura plus d'insouciance. Il faudra passer au travers, renoncer à l'adolescence et mordre parfois la poussière. Ils ont stoppé notre jeunesse, la nuit nous a pris de vitesse. Les plus valeureux d'entre nous pleuraient la mort de Kennedy. D'autres pleuraient un amour fou, chacun versait un peu de vie. We'll stoppé notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Que faisais-je en ce jour précis? Quel amour occupait ma vie? Quelle histoire ou quelle hystérie? Quelle trajectoire, quelle tragédie? Numéro 19. Nouvelle entrée. How long must I wait? How long must I wait till the morning? Deux autres nouvelles entrées, ça c'était The Mars Volta et La Pachka en position numéro 19 anglophone. C'est sur leur album Tourniquet. Et avant ça, on a entendu Daran avec Kennedy et son album à lui, c'est L'homme dont les bras sont des branches. Hein? C'est pas pire ça? On va y aller avec trois nouvelles entrées francophones. On va sauter par-dessus de l'anglophone pour l'instant. On va sauter par-dessus Revolver avec Windsong en 18e place et en 16e Dutch Essence avec SOH. On entendra celle de Well tantôt, mais pour l'instant, on la saute parce qu'on veut faire toutes les nouvelles entrées au début de l'émission. Il y aura dans ce bloc-là les Fils de Brut et Salomé Leclerc, mais on débute avec Métropole, la formation locale gagnant des Mardis de la Relève de l'année dernière. Voici, c'est ça, Métropole de Audio Note. Finalement, c'est marqué à l'envers, c'est ma feuille, je me suis trompé. Vous êtes tout parlant, restez fou, 89 FM. Assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 17. Nouvelle entrée. Si on partait ensemble, quand se lèvera le vent, on pourrait faire la route sans bagage. Tu me diras que l'on tangue, je te montrerai. Nouvelle entrée. Un traumatisme pour une paix triste. Les dernières nouvelles entrées de cette semaine, du côté francophone, on vient d'entendre les Fils de Brut avec La Malaville en 16e place. Avant, c'était Salomé Leclerc et Partir Ensemble en 17e. On a débuté avec la formation locale Métropole. Avec Métropole. J'ai fait la même affaire tantôt, là, 10 minutes. On s'en rappelle tous, c'était tellement cocasse. J'ai inversé le nom du groupe et de la pièce. Donc, on vient de terminer les nouvelles entrées. On va sauter par-dessus quelques affaires. Je vous disais tantôt qu'on avait sauté par-dessus de l'anglophone. Les mêmes positions qu'on vient d'entendre, mais du côté anglophone. Aladdin avait Duchess et Revolver. Par contre, Set the Well est en position 19 et j'ai envie de l'entendre. Ça monte de deux places. C'était nouveau la semaine passée. Les voici tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. Dans vos oreilles. C'est-tu dans vos oreilles, c'est fou? La radio s'appelle-tu dans vos oreilles? Loveless, c'est tellement bon. Oh, la position numéro 17, ça monte de deux places. C'était nouveau la semaine passée. Oui, je sais, on vient juste de se parler. Mais tu sais, je m'ennuyais de vous autres. Ah, seulement. Alors, on va sauter par-dessus un bloc de francophones cette fois-ci pour faire changement. On va sauter par-dessus la 15e, les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout. En 14e, Sago avec une vieille taupe qui descend de 3 places. Et en 13e, ça descend de une Facebook des Dale Howard Chuck. C'est bien malheureux, mais on doit sauter quelques affaires pour se rendre jusqu'à la fin. On va l'entendre dos à dos, les trois mêmes positions, mais du côté anglophone. Rococo et Zeus plus tard dans le bloc, mais on débute avec Dry the River. Voici Wait Sin Measure. Je me rappelais pas que je chantais par-dessus, puis là, je me sens mal. Je suis comme, oh, pauvre petit. Allez, écoutez les palmarès, c'est fou. Tout de même. You've made your decision. Now get up and leave. The familiar sting of the woodcutter's swing to the tree. I'll fall in the forest. Two elbows and knees.

Numéro 13. Code avec Empire, position numéro 13, ça descend de 10 places. Et oui, comme vous, moi aussi, je chante les petits aïe aïe aïe aïe par-dessus. C'est le fun. Hey, avant ça, on a entendu Zeus avec Are You Gonna Waste My Time et leur stupide fin qui arrête plus. Tu sais, quand c'est fini, ça fait. Non, ça m'énerve. C'est la position numéro 14, mais j'adore la pièce. Ça monte d'une position. Et on a débuté le bloc avec Dry the River et Weights and Measures qui monte d'une place. En 15e, c'est sur l'album Weights and Measures, évidemment. C'est la pièce titre. On y va avec les 12e places du côté anglo Bad of Scars avec Lay My Head Down qui monte de 8 places. c'était nouveau la semaine passée, mais on débute avec Lisa Leblanc qui descend de la première place. Elle était au sommet, la voilà en chute libre. Presque de même plus de la moitié du palmarès franchi, mais vers là-bas. Donc, position numéro 12, tout de suite, Cerveau Ramolli, Lisa Leblanc, 89 FM, c'est fou. On l'a laissé se préparer, je sais qu'elle monte sa scène, s'assoit. Là, vas-y donc. Ah ouais, ouais. T'es capable. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir, je file mon cerveau ramollir. Pour aller travailler, tellement plus. Band of Scars et Lay My Head Down en position numéro 12. Ça monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. Avant, on a entendu en 12e franco Lisa Leblanc, l'ancien numéro 1, et sa pièce Cerveau Ramolli. Oui, Lisa Leblanc, c'est un genre. Donc, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt. Justine Renaud va être avec moi pour sa chronique Les Tartines de Justine. On a aussi DJ Catardi et sa chronique Drop the Bass. Alors, restez avec nous. Assez fou pour l'écouter. 89 ans. Deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 16 au 22 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante et Justine Renaud est avec nous. Hola, hola! Hola, amiga! J'en reviens pas du sud. Waouh, hein? Oui. Waouh. Ça sonnait pas comme Chose Gonzalez, là, le petit. Oui, Lisa Leblanc. Non, la petite souris. Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Oui. Je sais pas pourquoi j'avais Skippy dans la tête. Skippy Gonzalez. Ouais, hein, c'est vraiment pas ça. Hombre, le kangourou, là, dans. J'ai été très traumatisée dans mon enfance. C'est pour ça que tous mes souvenirs sont bousillés. C'est ça, t'es comme une dyslexique des souvenirs. Exactement. Une sous-lexique. Genre. Ouais. Ça n'a pas rapport. Deuxième heure des palmarès qui commence avec les positions numéro 11. Tout à l'heure, tu auras tes tartines à nous présenter. J'aurai mes tartines. J'aurai. Et ça, j'aurai mes tartines. Mais là, il faut que j'aille acheter du pain, par exemple, parce que je vais t'avouer. Mais il manque du pain. Quelle sorte de pain t'allais en prendre? Ben, tout un, je sais pas, 12 grains, bon matin. Je veux pas faire de la promotion, là, mais c'est le sac bleu ou GA, deuxième rangée. OK, à gauche des. 3,29. Côté des tomates, puis. Non, il n'y a pas de tomates dans cette rangée-là. Oui, tu vas pas faire épicerie. Pas chez IGA? Ah, ben là, je m'excuse. Ben, je prends pas ça personnellement, c'est correct. Non, c'est correct. Bon, est-ce qu'on y va avec le numéro 11? Du côté anglophone, il y aura Topanga avec Lionheart qui monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée, mais on débute avec Dumas qui descend de la 4e. Voici Souvenir en mitraille. On parle assez. Ma solitude est infinie. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin. Sentir ma main dans ma main. Des saisons à mesurer ton départ, on dira des millions d'années. Je pense à toi, mille fois par jour, mille fois sans toi. Thank you. 11. Lionheart, c'était la formation Topanga, position numéro 11, ça monte de 7 places, c'était nouveau la semaine passée, et avant on a entendu en 11e Franco Dumas, et Souvenir en mitraille descend de la 4e place, et maintenant on va de passer aux 10e place, c'est-à-dire David Giguère, et puis c'est ça, on jouera pas Plants and Animals, fait que je ne le mentionnerai pas, Plants and Animals, Mathieu Plant and Animals? Oh, Colin! Ben là, c'est pas la première fois qu'on t'en sort, là. Oui, en fait. Ah, ben ça allait avec une laisse. Là, c'est la première fois, il faut faire attention. C'est ça. OK, go. Tassez vos bonnes fontaines. Hein? Parce qu'il y a une patte qui va se lever, hein? Oh, la tienne? Continue. OK. C'est les tartines de Justine. Oh! Hey, les doigts se font aller. Get slow. Hey, je suis en train de passer à ça. Il faut vraiment que je change d'intro. Ben oui, mais je t'en parle depuis 6 mois de me donner une pièce pour ton mais intro, écoute, tu le fais jamais. J'ai pas le temps. Je suis en train d'analyser des articles sur des plaques bêta améliorées. Ben oui, mais des excuses. Bon, mais bon. Tout ça pour dire que Gwen Stefani fait une nouvelle annonce là, pour ses cheveux. Là. Elle fait juste ça, des annonces pour ses cheveux. T'es fatiguant, oui. Je sais, mais oui. Je l'aime bien, Gwen Stefani. C'est correct. Ça a dû être mon premier crush quand j'étais petite, puis je le savais pas. Oh. Je vous l'ai dit que la première fois que j'ai entendu sa chanson, j'étais au centre de ski Vallée du Parc et je suis tombée en amour avec la chanson Don't Speak. Wow, hein? Ça, c'était une grosse parenthèse pour vous introduire un groupe qui run depuis longtemps et que je viens de découvrir. C'est pas que je viens de découvrir, que je connaissais le nom, je connaissais un peu la musique, mais j'étais vraiment pas dedans, j'étais pas si impressionnée. Mais Arcade Fire, le groupe, disons, qui a fait beaucoup jaser dans les années 2008, 2009, 2010, m'a charmée cette semaine et je suis complètement en amour avec ce magnifique band indie rock qui vient justement d'ici, à Montréal. Alors, ce groupe, je me suis surprise à me rappeler, parce qu'on me l'avait dit auparavant, mais là, j'étais comme « Ah oui, c'est vrai, c'est ça! » Mais un fait intéressant, c'est qu'il est composé de la femme et le mari, le duo femme et mari, Wynn Butler et Régine Chassagne. Régine Chassagne. Aussi composé le band de Will Butler, Richard Reed Perry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara, Sarah Neufeld. Est-ce que j'en manque? Je penserais pas. Mais ceux qui s'appellent Butler, là, c'est-tu les frères et sœurs de Lisa Leblanc? Oh, oups, excuse-moi, Edith Butler. Oups, excuse-moi, je me sens... Oups! Fais attention, faut t'attacher tes lancers, là. Oui, oui. Bon, alors, tout ça pour dire que, écoute, je le savais, puis c'est pas Wikipédia qui me le dit. Mais non, faire sa part, avec une grosse gang de même, on peut certainement jouer de plusieurs instruments, dont guitare, drum, bass guitar, le piano, le violon, bien entendu, et le viola. Ça, c'est comme violer au passé, mais tu sais, il faut pas le dire. Le violoncelle. T'es pas drôle, peut-être que moi, c'est. La double bass. Hey, la double bass, c'est xylophone. Oui, toi, la double bass, t'aimes ça, la double bass, hein? Le glockenspiel. Oui. Glockenspiel, instrument que j'adore. Entre autres, toutes sortes de percussions, des pianos, des claviers. C'est de du piccolo. Il n'y a pas de piccolo, mais il y a de l'accordéon, puis il y a du French horn, là, du hurr français. Français. Comme Kermit, là. Ouais. Exactement. Alors, ce magnifique band qui a à ce jour à son actif trois super albums que j'ai adoré les trois albums. Je peux l'écouter en étudiant, je peux l'écouter dans mon auto, je peux l'écouter en manifestant. Écoute, je me rappelle une fois, là, j'ai mis Rebellion, la chanson très populaire, là, pendant que j'étais en train d'essayer de m'infiltrer dans l'UQTR, dans mon auto, ma petite tertiaire, je jouais Rebellion et je faisais des peace and love aux étudiants pour pas qu'ils massacrent mon char. Ça en entrait par des fois, hein? Ouais, tu te rappelles, il y a une semaine jusqu'à pendant 4-5 jours. Ouais. Wow, il n'y a pas d'hypocrisie, là. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie, là. Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est ça, c'est long. Mais non, je jouais Rebellion là, pour dire, genre, on se rebelle ensemble. Puis, je sais pas s'ils l'ont pogné ou pas, là. Il avait pas l'air d'être cultivé. Mais il était gentil, ils m'ont laissé passer. Okay. De toute manière, je m'en allais pas à mes cours. Ben non. Tu sais, pour dire qu'entre les milliers et milliards de prix qu'ils ont reçus pour leur dernier album de Suburbs, ils ont gagné un Grammy pour le meilleur album de l'année. Ils ont gagné un Juno Award, un Brit Award, tout ça en 2011. Alors, dernier fait, où est-ce qu'on a pu les entendre dernièrement, à part à Coachella, bien entendu, qui vient de se terminer, Arcade Fire a enregistré une chanson pour The Hunger Games. Le film, là. Oui, le film, oui. Hunger Games, le jeu d'avoir faim. Alors, la chanson s'appelle Abraham's Daughter. Et ils ont aussi contribué au score original, à la musique originale du film. Alors, je suis vraiment contente que le film de jeune adulte, pour ne pas dire un film d'ado, encourage ces artistes incroyables. Alors, on va immédiatement aller écouter une des chansons qui me prend le plus au cœur, qui s'intitule « The Suburbs », de leur dernier album, « The Suburbs ». Les tartines de Justine, au Palmarès, c'est fou. Jeu de ceux qui ont faim. Jeu de ceux qui ont faim. Jeu de l'appétit. Exactement. C'est bon. We'll be right back. C'était Suburban Wars de l'album The Suburbs de Arcade Fire. Avant ça, on avait Suburbs de l'album Suburbs. Il n'y a pas assez de Suburbs, moi, dans ma phrase. Non, non, c'est ça. C'est des banlieues, ça, hein, Suburbs. Banlieue, banlieue, banlieue. Moi, j'habite en banlieue. Oui. La banlieue de Sainte-Marthe. D'accord. Il y a un petit golf, là. Ouais. Je sais pas s'il parle de ça. Non. Ouais. Peut-être. Mes chansons coup de cœur. Ouais, hein. Bien enveloppé comme Radiohead, comme je te disais tout à l'heure. Là, je trouve que c'est comme de manière que c'est orchestré et la manière que la musique est empilée. Layers, oui, musical layers. Des couches. Des bonnes couches de musique et très bien recherché leur affaire. Moins bizarre là, que Radiohead, mais bon, tout de même. Tant mieux. C'est là, ça finit comme ça. Oui. J'attendais d'autres mots. Là. Non, mais je sais pas. Je viens de licher le micro. Là, par exemple, mais... Tu viens de licher le micro? Oui. Depuis tantôt, tu donnes des coups de coude à l'autre micro tantôt, tu sais. Hein? Oui, c'est du soft porn. Soft porn. C'est pas le fun. J'espère qu'il y avait personne avec de la gastro ici avant. Tu sais que j'ai la phobie de la gastro. C'est ça. Elle vient de se licher. Là. Ah, qu'est-ce que... Wow. Hey, aujourd'hui, je sais pas ce que t'as. Justine, t'es en feu. Est-ce que c'est parce que ça fait comme 3 mois et demi que t'es pas venu ou... Hey, ça fait pas 3 mois et demi, ça fait juste 3 semaines. 3 semaines, excuse-moi, c'est pareil au moins. Je suis désolée, hein, gang, ceux qui m'ont manqué, je vous ai manqué aussi. Hey, la semaine prochaine, c'est la dernière émission de la saison, là. Tu vas venir la semaine prochaine, voyons. Oui. Tu m'as raté un paquet de fois, là. Attends une minute, là. Comment? J'ai dit quelque chose? La semaine prochaine. Pense-y, je vais avoir un examen. Fait qu'en revenant de mon examen. Écoute, je vais venir, là. Je peux pas te dire combien de temps. Parce que j'ai comme genre 3 examens, genre en 24 heures. C'est vraiment fou, là. Parfait. Mais fais même pas de chronique. Fais juste te présenter. Je vais te présenter. Ouais. Je vais lever mes jambes. Oui, lève-toi. Oui, tantôt, j'y ai dit. Excuse-moi, les. Faudrait mettre les gens en contexte, là. C'est pas compréhensible. Cet été, tu vas nous présenter une autre chronique assez fou, une chronique gay. Oui. Et là, j'ai dit, d'accord, prends toute la place que tu veux, étale-toi, lève tes jambes. Oui, exactement. Tu pensais que j'avais dit lave tes jambes. Oui, j'ai compris, lave tes jambes. Alors, j'ai dit, écoute, inquiète pas, je vais me laver les jambes avant de venir. Rase-les aussi. Oui, ça aussi, c'est tout à fait. C'est bon. Ça va ensemble, je te l'avais dit. Tout en fraîche, hein. Bon, ben là, s'il fallait que je me rase à chaque fois que je me lave les jambes, je sais pas, entre vous et moi, là, les filles, là, on s'entend-tu que je serais irritée comme ma grand-mère? Ta grand-mère, c'est Lisa Leblanc, je pense. Non, arrête-toi avec Lisa Leblanc. Tu vois un culte de haine, mais pour ça, t'arrêtes pas de la nommer. Je pense que c'est de l'amour-haine. C'est comme. T'es obsédé. En tout cas, je vais le dire à ton psy. Bon, enchaîne, s'il te plaît. Là, ah, d'accord. Avant que je dise d'autres bêtises. Merci, Justine. À la semaine prochaine, peut-être. Oui. Hé, hey, attends une minute. Je suis encore là pour genre 20 minutes. Moi, je sais, mais il faut clore la chronique, là. Ah, clorons la chronique. Clorons. Faut clore. C'est ça, c'est ça le mot? Chloropsine, exactement. À chaque fois que j'utilise ce mot-là, je l'utilise mal et je me fais tout le temps dire. Par qui? Moi, je m'en allais dire quelqu'un, mais je ne le dirai pas. Oh, OK. On est rendu aux positions 9 et 10. On va faire un petit bloc 3 quarts, c'est-à-dire qu'on va sauter une pièce sur les 4. On entendra dans le bloc Ariane Moffat. Oui! Oui, ben, tout à fait. Islands aussi. Oui! Bon, on va débuter avec David Giguère en 10e place franco. Voici La Chose. Sur C'est fou, c'est les palmarès, c'est fou. Marche. Quoi tu faisais avec tes doigts? C'est du tempo, c'est ça? Les deux doigts, un doigt. Je comprends rien, ça. Ouais. C'est un petit lapin qui gambade, je suis pas capable de faire. C'est là de... Personne à mobilité réduite des doigts. Je fais un pas devant, je te vois et je m'éteins de tout mon long. C'est sûrement les vapeurs qui me montent à la tête, qui me font dire que ta splendeur me convie à la plus belle des fêtes. J'ai plus brave que tous les matelots Roméo. Et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à faim, ils font pas juste des beaux dodos. Je suis pas dans un conte de fées, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour, alors que je suis là à me demander si t'es pas pour moi. Qu'une perte de temps. Mais maintenant qu'on s'est parlé sans détour, que le bruit des gens nous donne le droit de s'entrer en dehors sans retour. On peut bien essayer de se voir, voir qu'il ne te reste pas à voir. Sans doute de la chose, vous restez dans le choix. Je ferai pas pour toi. Le centre de la chose, vous donne des réponses sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour toi. numéro 9. La pièce This Is Not a Song de Islands, position numéro 9, ça descend de 7 places. Et avant ça, en franco, on a entendu Ariane Moffat avec Mon Corps qui descend de 2. Avant d'en sauter par-dessus, Plants and Animals avec Light Show qui monte d'une place. On a débuté avec David Giguère et La Chose qui descend de 7 places en 10e franco. C'est un long bloc, donc longues explications. On aura un autre long tantôt. On fera un bloc 3 quarts avec entre autres Fanny Bloom, Canaille et The Shins. Mais avant ça, on parle avec Mikey slash Mika slash. Ça va être quoi le prochain, là? Slash. Mickey. Ouais, c'est ça. Mickey peut-être, ouais. Ouais, Mickey! Salut Mickey! Ça va et toi? Oui, très bien. L'animateur de Honte de Choc tous les jeudis entre 23h et 1h, il se met assez fou. Eh ouais, c'est ça. Merci de nous écouter aussi. La petite mission électro du jeudi soir. Exactement. Justine vous écoute, donc Justine Renaud qui est juste. J'écoute. C'est vrai, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Beaucoup? Ben là, ça dépend, là, les jours que j'écoute ça puis que je suis pas en train de dormir. Là. Ouais, c'est pas, ça dépend dans le sens que j'aime pas beaucoup, là, mais ça dépend dans le sens de à quel point je suis réveillée ou pas. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Puis en plus, à la fin, là, on bombarde bien, donc je me suis dit, si elle arrive à dormir, c'est qu'elle est plus fêlée que moi. Non, voilà. Mais exactement. Mais si je suis bonne puis j'écoute une émission complète, là, j'aime beaucoup ça. Je vous le suggère à la maison, écoutez ça. Ah, je t'en remercie. Faut que vous soyez réveillée, par exemple. Ça fait plaisir. Moi, dommage, là, j'ai raté ton jingle. J'aurais bien voulu l'écouter, apparemment. Bon, ben apparemment, il va falloir qu'on mette la petite jingle. voilà. Si tu l'entends, je pense que. Non, mais parce que tu vois, ça fait polémique, tu vois. Donc, ça fait polémique, oui, tout à fait. Les tartines de Justine, ça sonne comme ça. Ah, come on. C'est cheesy un peu. Écoute, j'écoutais ça quand j'avais genre 10 ans. Aïe, aïe, je m'attendais absolument pas à ça. Oh, le bon coup de bass. Écoute la bass. Ah, c'est bon ça. Hein? Ça, c'est pas moi qui ai choisi ça. Ah, en plus, hein. C'est Mathilde. Mais là. Faut bien que je trouve quelque chose, là. Je sais pas, pour avoir aussi un petit cheesy que moi. Non, mais ben, en plus, tu te fais chicane. Je trouve ça inadmissible. Je trouve ça, c'est vraiment plate. Je suis tellement pas respecté. C'est meilleur, sa chronique Onde de choc. Je vous assure que c'est un million de fois meilleur que ça. Ah non, je vais commencer à rougir. Oh! Elle m'énerve. Ça paraît. Ben non, c'est bien que non. Ça t'énerve. Un jour, quand tu vas trouver une chanson, tu l'auras. Et là, on passe à un sujet pas mal plus intéressant que ta chronique. Hein, Justine? Non? Okay. Ah, mais moi, quand même, j'attends. C'est quoi? C'est lève les jambes, c'est ça? Lève les jambes. Oui, lève les jambes. Ça aussi, ça a l'air d'une bonne chronique. Galop, lève tes jambes. Ah, OK, cool. Prochain hit de Radio. Bon. Donc, t'es ici pour nous parler, en fait, de quelque chose d'autre que de lever tes jambes, cher Mikey, Mika, Mickey. Non, moi, je lève pas les miennes. Bon, on les pose sur moi, si tu veux. Enfin, non. Wow! Non, mais je vais peut-être attendre qu'il soit 23h avant de parler de trucs comme ça. Incluant ou excluant la personne qui parle? Je ne dirai rien. Je m'arrête. Si on reparlait de... Oui, donc 1er mai. Oui. 1er oui. mai. Alors, 1er mai, ce sera un mardi. C'est ça, donc ce sera le dernier jour de la session universitaire, pardon. Mmh. Et moi j'ai proposé de faire une émission un peu genre fil rouge là, tu sais, c'est marathon total. Marathon, c'est ça. J'étais en train de chercher le mot, tu sais, je m'en rappelle plus, tu vois. Bah pas un radioton, parce que radioton ça fait le lever de fond, mais c'est un marathon de radio. C'est un marathon de radio, exactement. Donc je t'ai proposé si tu voulais la faire avec moi. Oui, bah tu sais que je l'ai fait plusieurs années. On parlait en ronde que ça fait 8 ans que je suis assez fou. Ouais. Ouais, et je l'ai fait. Je dirais des lancements de session, des fins de session, des journées de déménagement du 1er juillet. Okay. J'ai fait des choses comme ça peut-être une vingtaine de fois jusqu'à maintenant. Et je suis très, très content que tu prennes le relais et que j'ai pas rien à faire. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, il me faut quelqu'un un peu pour épauler, quelqu'un qui a du talent. Oh, merci. Tu vois? Non, il faut que je lui parle pour qu'il accepte quand même. Tu vois, flatter dans le sens du poil. Hein? Voilà, les gens, parce qu'il y en a beaucoup. Comment? Parce qu'il y en a beaucoup du poil. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, ben, non, mais t'as pas encore vu mes jambes, mais tu ne crois pas si bien dire. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vous êtes dingue. Oui, vulgaire, pas mal. Non, mais ouais, en tout cas, voilà, je propose une émission, genre histoire de péter un peu le record là. Oui, oui, parce que le record est à 12h30. C'est ça. Nous, on va essayer 13. 13h. Ça veut dire de 6h du matin à 19h le soir. C'est ça. Parce que 19h, il y a une émission. Oui, réanimation, le classique réanimation, métal et horreur, ça dure jusqu'à 22h. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc, on va essayer de péter le record. On va faire une bonne émission. Il y aura pas mal de sujets. Genre, on va débattre sur des sujets. On va mettre de la bonne musique aussi. Bah oui. C'est ça. Et puis, on fera des petits jeux, des petits défis. Des petits défis, là. Oh, ça, j'ai hâte d'entendre ces petits défis-là. Ça a l'air bizarre. Moi, je suis très cruel. Ouais. Ah ouais. Envers moi, cette fois-là, Envers moi aussi. J'aurais jamais accepté cette offre-là. J'aurais jamais te dire. Non, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Tu veux que j'annonce un petit peu des sujets? Oui, mais tâte-nous le pouls un petit peu et agace-nous. Ok, donc genre, il y aura un petit peu tous les sujets, là. Donc, peut-être en fin de soirée, on entendra les sujets un peu plus hot. Chaud. Ouais, oh, des jambes en l'air, c'est ça, là. Ouais. C'est là. Voilà, c'est presque ça. Donc, il y aura genre des petits sujets comme le film le plus pourri que t'as vu, Okay. Tu vois, comme des endroits insolites où on peut le faire. Okay. Ça, c'est comme où je te dis. Faire. Voilà, écoutez, la chose. Voilà, c'est ça. Petit clin d'œil à Justine. Il y aura un jeu qui s'appelle Le Tu préfères. Okay. Donc c'est genre tu préfères ça ou tu préfères ça. Il y aura aussi genre un truc genre à partir de combien t'es prêt à faire quelque chose et pourquoi. Et quoi, pardon, tu vois. Ok. Et puis bon, j'en dis un petit dernier. Attends, le cap. Il y aura le cap ou pas cap. Oh, pas des cap ou pas cap. Ah si, oh, tu vois. Ça c'est un jeu d'enfant. Et je sais qu'on est tous des grands enfants ici. Ah, oh, cap ou pas cap. Ça c'est genre des dares là. Genre des excuse-moi des... C'est comme des défis. Je viens d'un monde très anglophone. Tu voudrais venir jouer aussi, Justine? Écoute, ouais. Ça dépend. J'ai un examen. Alors je sais pas si je vais être en train de mourir. Des examens pas importants. Si je suis pas décédée, écoute, je penserais peut-être à toi. L'émission dure 13h. Donc je pense que t'as le temps de venir. Ouais, bon, effectivement. Ça. Là-dessus, sur 13h, ça veut dire que j'ai le temps de faire mon examen, j'ai le temps de prendre une sieste de 5h et ensuite j'ai le temps de. Une douche? Une douche. Ben oui, mais je t'ai dit que j'arriverais avec les jambes propres là, et rasées. Ben oui. Ok, d'accord. Et tu sais, oui, puis aussi, pendant cette émission-là, on essaiera de prendre des photos et tout. Facebook et ça dans ta face, là. Ben pourquoi pas? Mm-hmm. Non? Et puis voilà, puis peut-être vous verrez les jambes épilées de la Miss Justine. Non. Ah oui. Non. Un peu de gêne. Je vais les garder en dessous de mes. En tout cas. Bah, au moins les pieds, là. Au moins, moi, je pense, au moins voir les pieds, là, tu vois. Ou alors les mollets, pieds. Tu vois. Ouais, ouais. Non, je déteste les pieds. On révèle ses fantasmes en ondes. Hein? Je pensais pas vivre ça. Et tabarouais, c'est que tu seras pas chanceux avec ma chronique gay cet été, toi. Ok, oui. Ok, oui. Ah, et puis voilà, et puis, bah, comme j'ai dit, on va passer de la musique, etc. Et puis, on va prendre des photos. Et j'avais un autre truc à dire, je ne m'en souviens plus. Bah, on va s'amuser, on va avoir du plaisir. On va se créer une camaraderie, toi, puis moi, ça va être comme si on avait animé pendant 13 heures. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Oh. Ça y est, ça y est. La guerre des trucs, toi. Quoi? Camaraderie. Camaraderie. Ah, écoute, continue. Non, mais là, c'est un mot camaraderie comme un autre. Là, ben pas... oui, je sais. Ah, regarde. Et puis, ça, c'est bon. Je viens juste de m'en souvenir, là. Quoi? Justement, c'est que, bah, il y aura sûrement aussi d'autres animateurs de. Ben oui. De ces fous qui viendront nous rejoindre. Au moins 5% de ceux qu'on aura invités. Ouais. Au moins. C'est ça. Waouh. D'habitude, c'est à peu près ça. Ça fait une demi-personne, ça. Oui. On m'a donné à peu près, genre, 10 adresses, là. C'est vrai que 5%, ça en fait 2. C'est pas beaucoup. Non, ben bon. Moins on est de fous, plus on essaie de remplir et d'avoir du plaisir. Non, mais c'est ça. Et puis, bah, pareil, hein, si jamais des auditeurs qui veulent venir choper un micro ou quoi que ce soit, même je sais qu'il y a un barbecue qui se fait, donc elle a ça bouge pas, par contre, donc ramenez-les. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, faudra pas que ça parte en non plus. Hein. Non, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir du fun. Et puis, même s'il faut que j'aille chercher des gens au barbecue, les gens nets. Oui, ceux qui ont les jambes propres. C'est qu'est-ce ça. Qu'on a avec les jambes aujourd'hui? Je pense que je serai pas de même le 1er mai. Hein. Ah, puis c'est ça. Puis c'est Justine, tu vois. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir une fille dans le studio, tu vois. Moi, j'ai Antoine. Pareil, poilu, tu vois. Poilu. Ah, Antoine, quand c'est lui, il va être là un peu quand même vers la oui, fin. Oui, Antoine, il sera là à partir de. Bah, il m'a dit à partir de 4h, mais il sera peut-être même plus tôt ici. Parfait. Tony! Non, c'est Tatane. Tatane. Oh, le dossier, wow. J'aurais pas dû. Oh, testostérone. Oui, hein. Tatane. Tatane. Vous savez ce que c'est que des tatanes en France? Non, c'est quoi? C'est des gougounes. Ah, des flip-flops. Des flip-flops, voilà, flip-flops. C'est ça exactement. Mais bon, wow. rien à voir avec ça. Jamais c'est de flip-flops. C'est dans un gougoun, non? Non. Non? Non. Pieds nus non. Tout le temps. Non, non, non. Ah, surtout pas. Surtout pas. Des bottes de construction. Non. Des souliers de patoff. Oh! C'est très clownesque, hein? C'est... Oui. Il manque juste un nez, là, puis. T'as tout pète. Voilà, c'est ça. Eh, mais c'est qu'on en apprend des trucs en vous écoutant, dis donc. Mais en même temps, ça veut rien dire. T'as c'est plein des faussetés. Que... C'est ça, que tu voulais pas savoir, puis qu'ils sont pas vrais, oui. Non, je mais... prends des gogones ouais, à chaque jour. Ok. Bah, en tout cas, tu seras prêt pour l'émission, toi? Non, mais je vais être là. Ça de l'improvisation, je te l'ai dit. Je fais rien, non, c'est pas vrai, je fais pas rien. Ah, ok, bah, je fais tout ce que tu veux, mais. Ah! Oh, Colin, j'aurais pas dit. Attention, ça. Parce que Danny m'a déjà dit ça. Et... Ah ouais? En tout cas, bref, on en parlera un autre fois. Lance-moi tous les défis que tu veux et je vais m'arranger. Wow. Wow. Moi, ça me donne juste le goût d'être là, c'est clair. Ah oh. Ça va être écoute, ah oui, je vais mettre ça dans mon téléphone et je vais penser d'y être. Vas-y. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais faire là, c'est ce que j'ai dit là, un truc fun justement, je voulais ajouter une dernière chose, c'est que notre mission pour le 1er mai, c'est justement de remplir le studio de radio de plein de ballons. Moi, oh. Moi, j'aimerais ça, tu vois. Genre que, ouais, que j'arrive même plus à te voir. Oh mon dieu, il y a un fétiche de pieds, pis de ballon. Ça, le latex, c'est très très connu dans les fétiches. Mais quoi, on va gonfler ça en ondes. C'est comme ça. Ça ouais, on va exactement. S'y poumonner, ça va être super. Ouais, c'est ça. Et puis dommage qu'on n'ait pas une bonbonne d'hélium parce que ça aurait été encore plus fun. Ah, pour parler aigu. Ouais, ah, ça aurait faire attention bon, ça. Avec les embolies pulmonaires, par exemple, en passant. Ah, pour vrai. Les embolies pulmonaires. Ouais, les embolies pulmonaires. C'est un mot que je connais pas, donc je devrais pas le choper. Ça, non. Quand tu connais pas ça, ça t'aidera jamais. C'est ça. Bon, donc 1er mai entre 6h et 19h, Maki, Mika, c'est ça. Michaloub, avec Michelangelo. Mathieu et Michael. Michelangelo, non? Non, tu sais quoi? Soit Mike, soit Michael, soit Mick, soit Mikado. Tout ce que tu veux, Miguel. Miguel. Miguel. Ouais, ouais, ça arrête, ça remonte au collège. Collège, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, ouais. Ok. Collège la flèche, toi? Non. Ah, j'ai pas fait d'annonce gratuite, moi, là. Mais collège, c'est comme université ou... Non, le collège. C'est fac. Tu vois, t'as la primaire et après t'as le collège. Ok, donc. Ah, c'est donc. Comme le secondaire, ça? Ouais, ouais, exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais on en reparlera même si tu veux au 1er mai. Puis on va raconter beaucoup d'anecdotes, je te promets. Il va falloir qu'on se trouve des affaires à dire pour remplir 13 heures. Hein, il n'y aura même pas besoin de chercher, tu vas voir. Ça va être aussi pertinent qu'avec moi, Jasmine. Avec Justine, excuse-moi. Jasmine, Justine aussi, hein, je dirais pas plus pertinente que moi. Là. Jasmine, quand même. À peine, un peu. Ouais, mais au moins, toi, c'est des bonnes femmes. Tu vois? Oui! Ah, faut savoir s'entourer. Hein. Je sais pas comment tu les trouves, sérieux. Ah, j'ai mes secrets. Non, mais c'est ça. Puis bon, bah, peut-être que l'année prochaine, on va en faire une ensemble aussi. Ouais. Donc tu me donneras peut-être tous tes petits secrets. Cool! Yes! Ouais! Bon, j'ouvre le livre. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours à peine pour le 1er mai. Est-ce que tu restes un petit peu avec nous? Bien sûr, oui, je vais rester avec toi. Hein. Cool. On va faire un bloc. Moi, tout t'en va? Oui, je quitte. Bon, garde ça de la gâche, je partais. S'il n'y a plus de filles, il n'y a plus de raison pour Maki d'être là. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je sais pas, là. Écoute, suis-moi, mais on s'en va dans une réunion de comité de c'est ça, là. Exécutif. Ouais. Prends-y quelques photos de tes pieds, là, puis ça va quand même. On fait un bloc 3 quarts avec les 7e et 8e places. Il y aura Fanny Bloom et The Shins là-dedans. On débute avec Canaille. Voici Parle-moi. Sur C'est Fou, 89 FM. La radio qui swing la caisse dans le fond de la volleyball. Hey, hey! Hey, hey! Oh, parle-moi encore, parle-moi. C'était d'accord, je vais entendre ta voix jusqu'à ce trop tard. Oh, parle-moi encore, parle-moi. C'était d'accord, je vais entendre ta voix jusqu'à ce trop tard. Oh, numéro 7. The Shins avec Simple Song, c'est la position numéro 7 du côté anglophone, ça monte de 7 places. Et avant, du côté franco, on a entendu Fanny Bloom et Respirer la fumée qui monte de 10 places. C'est la fin de la deuxième heure et on se retrouve tantôt pour une troisième. Il va y avoir là-dedans la musique de Radio Radio, Malajub, Grimes, Half Moon Run, Fred et aussi Mackie, va être toujours là. Mais bien sûr, je t'accompagne jusqu'à la fin, moi. Ah oui, surtout qu'apparemment, il y a une belle fille qui arrive. Apparemment que Katardi sera là dans quelques minutes. Puis je la connais déjà un petit peu, tu vois. C'est vrai? Ouais. Étincelle. Intéressant. Oui. Très intéressant. J'espère qu'elle tente. Ouais, mais elle m'a pas dit si c'était célibataire, alors tu vois, je suis un peu déçu. Mais bon, on lui demandera un nom. Voilà, je vais retenter aujourd'hui. On aime ça. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour cette semaine du 16 au 22 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante et notre ami Mikey est toujours en studio. C'est ça, je suis toujours là, moi. Yo, yo, yo! Yo, yo! Studio, yo, yo! ça... Hein? Pourquoi non, mais parce qu'il est 4h10 et puis que voilà, on commence à être un peu fatigué. Il est 4h10 et bientôt il sera 14h10. J'adore. Ouais, et yeah. Voilà, et on se tapera des vannes comme ça, moi je te le dis. Hein. Oui, ben oui, puis tu vas voir, moi les jeux de mots là, c'est. D'accord, ok. De même, snip snap, là, jeu de mots, puis patine, puis away down, puis droite au but. T'sais. Mais tu vois, moi ce que j'aime bien, c'est genre les jeux de mots, genre que tu racontes et ouais. Genre t'as chaque personne le comprend. À son rythme. Genre, au début, oui, t'entends. À délai. Voilà, t'entends. Ah ouais. Et après, t'entends. Ah ouais. Mais des fois, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que personne la comprend ou parle, commence à parler d'autres choses. Puis après ça, tu répètes le jeu de mots, puis tu fais comme. Hein? C'est ça. Toi aussi, tu t'es retrouvé dans ce cas-là en soirée avec ton verre, dire. Ah, ok. Bon, il y en a qui n'ont pas compris, mais je vais la refaire. Ouais. Parce que la deuxième fois, c'est toujours un succès quand ça rate la première. Hein. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, on va y aller avec les prochaines positions. Le temps que Catardi arrive et se prépare. On va voir tout à l'heure Yukon Blonde avec Stairway qui monte de 4 places. Mais pour tout de suite, oui, voici Stable en 6e Franco, Marie-Pierre Arthur et Si tu savais. Au 89 FM, c'est les Palmarès. C'est les Palmarès. Ouais. Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. Continuer de rêver, mon amour. Ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer, mon amour. Pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler, mon amour. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? Si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Numéro 6. I'm hoping that I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. We'll be right back. assez fou pour l'écouter. Separate everything you know with the rest. The Shins et Simple Song en position numéro 7 anglophone, ça monte de 7 places. Avant ça, on a entendu en franco, c'était Fally Bloom avec Respirer la fumée qui montait de 10 places. C'était de vous la semaine passée. On va arrêter là, un petit peu, temporairement. Est-ce que c'est bien ça qu'on a entendu? On n'a pas entendu ça pantoute. C'est pas ça pantoute qu'on a entendu. On vient d'entendre Fred avec If Not Now When et avant ça, c'était Reine de France. Ça finira dans un moment de temps. C'est même ça se passe à la radio. C'est live. Je fais n'importe quoi. Je pèse n'importe quel piton. Puis je pense que si le compteur s'affichait dans le bas de votre écran, il serait rendu à 12 pour 12 erreurs jusqu'à maintenant de ma part dans l'émission. T'sais. Non, mais je t'ai dit, il y a un peu de fatigue, il y a un peu de machin, tu vois. Heureusement, il y a. Bah, ou quoi que. Il y a peut-être un peu d'alcool ou pas? Non, pas d'alcool. Non, il y a du café, mais pas assez, je pense. Pas assez. Ouais, okay. C'est la fin de session pour tout le monde. Et en plus, non seulement c'est une fin de session, c'est difficile pour peut-être 4 heures. En tout cas, je sais qu'elle m'a dit que c'était bien difficile pour elle. C'est ça? Oui, grosse fin de session, mais ouais. On va survivre. Moi, je blâmerais plus ça sur l'euphorie printanière, Matt. Ah! Ou encore sur ton arrivée. Tu nous gênes. Je suis gênée. Allez, on revient tôt. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. 89.1. Toujours au parleur assez fou, 89 FM, Mathieu Plante en compagnie de Mike Hay. Yes! Je suis toujours ici, moi, t'inquiète. Toujours. Jusqu'à temps que 4 s'en aille. Ouais, c'est ça. C'est pas... Hey, Catardi qui vient d'arriver, on l'a présenté avant la pause, mais quand même là. Hein, Catardi? Bonjour! C'est combien d'affaires dans ton panier? T'as Catardi? T'as Catardi? On se répète toute la chanson. En fait, personne ne s'en rappelle, il y a juste moi. Ben, moi, je pensais que t'avais été caissier chez Walmart. T'as des lolcats sur ton ordi. C'est un 14-10, c'est 14-10. Ah, ben, là, ça me revient. Là, ça te revient? Ouais. Ouais, bon. Hey, on va partir ta vraie intro à place. Je pense que ça va sonner mieux. Ça te tente-tu? Let's go! Parce que moi, je pense que c'est le moment de... Drop the bass! Drop. Bonjour Mathieu. Bonjour Kat. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Salut à Mikey aussi. Bonjour Mike. Salut. J'y venais. Ok, j'espère. Fait qu'aujourd'hui, on a une petite émission relax. En fait, une petite chronique relax qui est cédulée. On va commencer avec Major Lazer, qui est le groupe qui assemble le duo de Diplo, cette légende de la production qui s'est si bien allié l'électronique et l'urbain. Moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur niveau DJ producteur. Puis, il assemble les beats pour Switch qui chante avec lui, qui est vraiment un artiste dancehall très, très, très connu. Donc, c'est un gros mash-up de tous les styles. Moi, j'adore Major Lazer. Et c'est la chanson la plus relaxe que j'ai entendue d'eux à date. Et c'est pour ça, c'est pourquoi ça me semblait pertinent d'amener ça un peu aujourd'hui à Palmarès, parce que je sais qu'on aime bien le petit indie dance, ces choses-là. Merci. Donc, on va commencer avec ça. Major Lazer, Get Free. Drop the bass. Drop the bass. Oui. We'll be right back. Donc, c'était Major Lazer avec Get Free. La chanteuse était Amber du groupe Dirty Projectors. Puis, on va embarquer directement avec Hot Chip, Night and Day. C'est un groupe londonien électropop un peu. Je pense, Mathieu, que tu me disais que t'aimais bien ça. Oui, j'aime bien ça. Il y a la pièce Alley Cats qu'on faisait jouer presque à tous les jours dans le temps qu'il était sur le palmarès ici. C'est très, très bon. Fantastique, ça. Fait que, on va y aller tout de suite avec Hot Chip, une de leurs nouveautés, Night and Day. Drop the bass. Ouais, dans les palmarès, c'est fou. C'était Hot Chip, Night and Day. Et on y va tout de suite avec une petite composition de DJ Glenn qui s'appelle Bone System. C'est un petit peu plus house, tech house, funky. Puis, dans le fond, la Hot Chip, ça, c'est une formation londonienne. Puis DJ Glenn, c'est un DJ berlinois. Donc, on s'en va du côté de l'Allemagne. Puis, on embarque tout de suite avec Bone System. Drop the bass. Ouais, dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM, c'est fou. Hein? C'est fou. Palmarès, c'est fou, c'est assez fou. C'est fou. C'est assez débile. Hein? C'est comme ça. DJ Glenn, Bone System, un peu plus underground comme ça. C'est sûr que je m'attends pas à ce que personne sache c'est qui DJ Glenn, mais disons que quand j'ai été à Berlin cet été, ça m'a donné la piqûre, puis j'ai continué à regarder qu'est-ce qui se faisait dans ce coin-là. Donc, on a vu Major Lazer, on a entendu plutôt, Major Lazer, Hot Chip, puis DJ Glenn. Donc, c'est ce qui conclut ma chronique dans le cadre de l'émission Palmarès. C'est fou, Drop the Bass. Oh oui, Drop the Bass qui va être de retour la semaine prochaine pour une dernière fois dans les Palmarès. C'est fou, du moins. Oui, mais je suis pas certaine. Okay. Je suis pas certaine, mais je me prononce pas tout de suite encore. On va voir comment ça va aller la semaine prochaine. Mais sinon, il y a pas de problème. On va être là en mai puis en juin pour le début du... de l'été. Ben, en fait, ben, la session d'été. Ouais, ouais, ben, c'est ça. On appelle ça la session d'été. La session d'été, mais la fin du printemps. Voilà, voilà. Là, on est encore dans la session d'hiver, pour ceux qui veulent savoir. Le behind the scenes de C'est fou, c'est la session d'hiver qui se termine le 29 avril. Session d'hiver à 20 degrés. C'est bizarre. Hein? J'hallucine. Ben, voilà. C'est bien. Que trois saisons par année, nous, à C'est fou. Donc, s'il y en a qui ont aimé les chansons qui ont joué aujourd'hui, vous pouvez aller les chercher sur djetcatardi.com. Puis, sinon, c'est ce qui conclut ma chronique. Voilà, merci, Catardi. Elle va même chercher des trucs dans ma région d'Europe, tu vois. C'est pas mignon, ça? C'est pas pire, quand même. Ah ouais, c'est ça. Bah non, mais t'as dit l'Allemagne, c'est ça? Ouais. Bah, c'est ça. C'est à peut-être une ou deux heures de chez moi. Oh, quand même. Ah bah ouais, quand même, ouais. Relativement près, quand même. Non, mais ouais, c'est ça. Vu de même, on devrait se déboucher presque un petit Alsacien pour fêter ça. Ah, aïe, aïe, c'est parti. Ouais, champagne. Il reste encore un petit peu de temps pour finir cette émission sur une bonne note de Soulon. Oh oui, j'ai hâte au petit verre de vin, là. Justement, je m'en vais au Carlito, fait que ça. Oui, faut le dire, hein. Tu mixes tous les jeux de soir au Carlito, au centre-ville de Trois-Rivières. Oui, de tous les styles, tous les goûts et toutes les couleurs. Funky, rock, lounge, on aime. Soyez-y. 14. Ah ouais. Nous, on est toujours au Parlement assez fou. On va y aller avec un petit bloc 3 quarts, comme on appelle. On va sauter par-dessus Grimes, mais on va entendre Malajub et Half Moon Run. On débute avec Radio en 4e place. Voici Galop. Tu galopes, tu galopes, tu galopes, tu galopes. Après ça, c'est les instants classiques d'Assemblage Requis. Ça va? Ça, je sais pas. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Je hors en cheval avec des stocks de métal. Mais des fruits blue navy, ça c'est gravy, ça c'est mon cheval. Avec un sea biscuit belle jambe, ça c'est ça j'appelle un underdog. J'suis dans nos balles avec mon cheval, je m'installe en dessous des gradins qu'on met la baguette. T'attends mes cotton balls. My overall, un sport bien, mes coveralls. Covert mission, indecision, ça c'est pas wrong. Ça c'est la right side of the wrong. Qu'on peut vendre les loups. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Avec tes cheveux dans le vent, t'aimais jouer hard to get. Avec un smile, tu dis que je suis wild. Tu veux me dropper for fait, but j'aime ça quand tu te moques de moi. Rond dans le foin, j't'ai dans mes bras. Horn qui hante, ça nous botte de repas. C'est peut-être même qu'on aime ça. C'est la bear, back, spice, rack. J'veux savoir ton almanac. De moi dans ta vie, et j'crois ça qu'il faut m'y rendir. Parce que ça y en pousse ça, pousse ça, pousse, pousse, pousse ça, pousse ça, pousse ça, pousse, pousse, quoi que ce soit. Tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Sauveille et tasse, si ça se passe, on brasse, on coupe des os. Poker, hold'em, fold'em, can't have a loss. Je vais de la simplistic, hedonistic, wizard of Oz. Je vais de la gold brick road, à la fin y'a pas tôt. Mais y'a de la ride sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, jusqu'à la fin, pis t'arrives, y'a plus de balle. So galope, back up, saddle up, trouve un autre bal. Si y'a de la weekend, days in, prends next weekend, trouve un autre bal. So ride on. Body pour veiller tau. Body pour veiller tau. Body pour veiller tau. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme le bel à des balles. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope out jusqu'à ton bal. That's right, c'est comme le bal à la balle. Il faut que tu rides sur ton cheval. Galop jusqu'à ton bal. That's right, c'est comme le bal à la balle. Hein? C'est jamais fini. Si ça venait d'arriser, ça aurait été comme d'arriser, mais c'est jamais d'arriser. C'est là. T'as pas besoin de dire long terme. Non. Tu sais, comme un petit 5 minutes. Tu sais, bien faire 5 minutes, c'est pas. Mais si tu mets le travail avant, tu mets comme tout le travail avant, et après ça, tu peux dire 30 secondes, c'est pas ce que tu dis. Exact. Ça peut te mettre ta pre-prod, pour te mettre ta préparation en avance. Et puis ça, ça peut durer une vie. Numéro 4. Feeling at the back of the church, feeling wilder on your brow, and it's healing, it hurts. At first a sharpish pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical test. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles in the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. Yeah. ça arrive à chaque fois qu'on arrive pour entrer en onde, qu'un micro brise et la vis se défait. Et c'est Cavardi qui en est victime, et son ordi aurait pu être la victime, mais elle a attrapé juste à temps, j'espère. C'est ça, une superwoman. Elle est super, cette woman. Ah, les joies. Elle est morte de rire, c'est excellent. Mais là, j'ai vraiment pas d'autre chose que de parler au micro, parce que de toute façon, je le tiens. C'est génial quand ça arrive, ça. Tu veux du tape? Malheureusement, les gens ne voient pas. Comment t'as dit? J'ai dit, je me demandais si elle voulait du tape ou quelque chose comme ça, non? Ben, enfin, je vais laisser ça pendre, là. Ou on va les repousser. Voilà, ou part avec. Non, c'est trop cher. On n'a pas de budget pour ça. Il nous reste les positions 2 et 1 à entendre, et le temps file extrêmement vite, donc allons-y sans plus tarder. Du côté anglophone, c'est Trust avec Dressed for Space qui monte de 3 places, mais on débute avec Mauve qui monte de 7 avec Chérie, écoute-moi. Et puis nous, ben, on va se... Chérie, visse-moi ça. Hein? Ben moi, je vais quitter. Ça fait sexuel un peu, Chérie, visse-moi ça. Ouais, comment? C'est ça. Moi, je vais quitter parce que c'est toute bonne chose à une fin. Ouais, et c'est une bonne chose. C'est donc, ça. T'as une fin. Hein? Ah, c'est ça. Ben fin. Merci, Kat. À la semaine prochaine ou pas. Ou l'autre après. On verra. OK? Arrivederci. Bye. Allez, salut. Je vais juste mettre la bonne pièce juste pour être sûr. Salut. Ici. Le micro est vraiment pendu. J'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira par s'arranger. Oh, écoute-moi, ma chérie. Vent du nord qui ne cesse de souffler, je m'en suis méfié. Il voulait loin de toi m'emporter. Tout mon cœur avait fleuri de ton sein nourri. We'll be right back. alone. For heaven's sake, she died in the wild. Ashamed to love, the fucks his friends or refuse to fall. Jericho, juggle out, and I get up to see that beauty's gone. Perfect bloom. Position numéro 2, Trust avec Dressed for Space qui monte de 3 places et Move avec Chérie Écoute-moi qui elle monte de 7 places. Avant de passer au numéro 1, Mikey? Oui? Je te fais entrer dans le monde merveilleux des blagues vraiment mauvaises de l'émission du matin. C'est parti, j'écoute. C'est un instant classique. Si tu nous amènes des lattés la semaine prochaine, je dirais l'hôtel bienvenue. Bon, je ne réagirai pas là-dessus. Franchement, c'est bien, non, on réagit pas. Ça passe. Si tu veux, ça passe. Ça tombe dans le. C'est un fait. Dans quelques minutes. Formidable. Tu me parles de quoi? De quoi je parle? Des faits sur le Titanic. Oh, on sait que Titanic revient en mode, là. Ben, c'est un peu ça, hein. On va profiter de ça pour monter nos codes d'écoute, toi, là. Les histoires sont brisées, François. Non! Hey, Mathieu fait vraiment pitié en ce moment. Tu fais vraiment pitié. Écoute, t'as un air massade, t'as de l'air triste et en plus, t'as comme un écouteur qui pend. Ben, c'est surtout ça, en fait. La première affaire que j'aurais remarqué, c'est l'écouteur qui pend de mon côté droit. Ça me donne un air de dévergondé. Ah, c'est... ben, je ris, mais... c'est... Si jamais vous voyez que les sons sont pas aussi... Tu sais, tantôt, le fond était peut-être un petit peu fort. C'est parce que j'entends absolument rien. Hein? T'entends d'une oreille. Des fois, ça peut être pas fort. C'est trop fort, pas assez fort, trop fort, pas assez fort. Aïe, aïe, je pense que ça a fait mal aux oreilles. Ouais, ça, c'était fort. C'était fort un peu. Mathieu Plante! François Louis Marchand! Oh! Wow, enfin, il y a un peu d'intonation dans mon nom. Ben, tu vois, quand je m'entends pas, c'est moins gênant. Ah, j'avoue, je t'entendais. Puis, c'est un peu gênant. C'est un cours d'initiation au tango argentin. Et c'est 30$ plus taxes. Ah, c'est ce que j'allais te demander, combien ça allait coûter d'argentin? Argentin. Argentin. On a commencé le bloc avec Mumford & Sons et la pièce Little Lion Man. Mm-hmm. Après ça, suivi Ratatat et la pièce Montanita. Ouais. Et puis Against Me avec la pièce Stop. Uh-huh. Donc, il y a un lien, il y a une thématique là-dedans. Lion Man, un petit lion. Ouais, exact. Bon. Deuxième, Montanita, la pièce, c'est ça? Ouais, exact. Un lion, ça vit des montagnes. Okay. Lion, des montagnes, lion, des montagnes. Bon. Stop! Arrête, petit lion, de m'attaquer. Arrête de m'attaquer l'entrejambe, petit lion. Arrête, lâche-moi le pénis, petit lion. Quoi? Hein? Stop, stop. T'as dit ça, non? Stop, against me, parce qu'il est contre moi. Il est contre... C'est ça. Non, mais écoute... C'est un terme médical, j'ai le droit d'utiliser un terme médical. Non, tout à fait, pas... tout à fait. Je commence par M. Tré, c'est l'émission de qui ici? Ben, fais François. Ferme son micro. Oups, je me suis enfargé. Allez, David. Ris donc, ris longtemps. Et la pièce, c'est Polygraphe. On vous ment pas là-dessus? Oh! Non. C'est déjà le mot douteux du jour. Oui, je m'en doutais. Ment. Oh! Ouais. Eh, oh, j'avais un autre jeu de mots tantôt, non, Simon, non. Je vais te le faire. Ta collègue était extrêmement bonne. Stream. Il parlait de stream. Extrêmement. Non, elle est parfaite. C'est 40, hein? Ouais. J'en reviens pas, là. On n'en revient pas du tout. C'est ça. C'est la prochaine sensation, tu sais, sur YouTube, là, c'est la nouvelle mode, là, ben, depuis peut-être 2 ans et quelques, d'engager des compagnies de production de musique commerciale poche pour devenir vedette. Tu sais, tout le monde veut devenir vedette, hein? Des petites filles qui disent « Ah, oh, moi, je sais chanter! » Puis ils font des vidéoclips super bien produits. Ouais. Et vous allez voir, bon... Et ça sonne... Ça commence très mal. Wow, ouais, wow. C'est ça. Look at me and tell me the truth. What do you do when people don't know what we go through? C'est sur auto-tune, mais c'est même pas sa note. Class, but they don't know I have a really big heart. Don't get me wrong, I know that I'm hot. But textbook perfection really takes a lot. Weird guys call my phone. Mais c'est bien produit, là. Ben c'est ça, en tout cas, le vidéo... C'est très beau, c'est... C'est juste tellement bon, fallait la rejouer, ça. Aïe, aïe, aïe, je me fais vraiment pas de soucis pour le 1er mai. Ah non, hein, on va avoir des blagues comme ça, là, à la tonne. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'on est exactement dans le même état d'esprit. Malheureusement, hein, ça va faire un beau combo, ça. Ça va être long. Ouais, ça va être un beau best-of. Ouais, c'est ça, du début à la fin, ça va être que des meilleurs moments, toi et moi. Ah là là. C'est le 1er mai, entre 6h et 19h, soyez-y pour l'émission de fin de session. Et d'ici là, si vous voulez entendre d'autres blagues poches comme ça, c'est à Assemblage requis du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. T'écouteras ça un moment donné quand t'auras la chance. Ben, t'inquiète pas. Ben, tu sais, moi, le matin, j'ai un peu court, donc j'ai un peu de mal. Mais... Des excuses. Non, mais je suis déjà tombé 2 ou 3 fois dessus et j'ai vraiment bien aimé. Vous êtes une bonne équipe. T'es fin. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Hein. C'est comme ça qu'il faut réussir, hein, dans le monde du multimédia. Et voilà, ben, c'est ça. Et toi aussi, t'as une très bonne émission, Honte de choc, les jeux de soir. Ouais, ben, ce soir, d'ailleurs, c'est ça. On doit se dépêcher, on va l'entendre, mon numéro 1 tout de suite. Et justement, dans les palmarès, c'est fou. Je sais qu'on n'a pas énormément de temps de le faire, mais dans les palmarès, c'est fou, faut faire des jeux de mots avec les numéros 1. Okay. C'est comme ça. Ben, c'est ce qu'ils disent. C'est, même que ce soit sur Terre ou sur n'importe quelle autre planète. OK. Planétarium, tu vois, c'est le nom de la pièce du côté francophone. Moi, je suis comme un robot. Tu sais, je fais mes blagues, un robot, la pop. Je suis le même, puis j'envoie des jeux de mots par la tête du monde. Veux-tu t'essayer du côté anglophone à faire des jeux de mots? Je sais pas si tu connais l'anglais tant que ça. Ben, un petit peu aussi, ouais, quand même. T'inquiète pas, je taquine un peu, ouais. Ça date de longtemps, l'anglais. J'imagine que ça fait. Tu t'as commencé à oublier ces journées-là que t'as passé à apprendre l'anglais. Days are forgotten. Oh là là, tu me parles de trucs qui me font mal. Font mal, ça donne si t'avais à faire un jeu de mots avec Kazabian, mettons. Avec Kazabian? Bah, tu sais quoi, en France, on dit. Attends, un petit mot? Kazabian, c'est ça? Ouais. Bah. Ça donne le pire mot pour faire un jeu de mots, je pense. Bah, qu'est-ce que cela ne tienne alors, hein? Oh, je vais le faire, hein? Ah! Yeah, c'est pas pire! En tant que ça rime, si ça rime, c'est que c'est vrai. Et ben voilà, ça y est, yeah. C'est bon. Parfait, bravo. Ça. On écoute les numéros 1 puis on revient avec notre mot de la fin. Ça sera banane.

numéro 1 des Palmarès C'est Fou pour cette semaine. Avant de dire les numéros 1, on fait un petit récapitulatif de chaque côté. En anglophone, 3e place, Grimes avec Oblivion qui monte de 1. Trust avec Just for Space est en 2e. Et KCBN qu'on vient d'entendre avec These Are Forgotten qui monte de 5 places. En francophone, numéro 3, c'est Malajube avec Œil pour Œil qui descend d'une place. En 2e, c'est Mauve avec Chérie Écoute-moi qui monte de 7. Et en première place, on a entendu il y a quelques minutes Robopop avec Planétarium qui monte de 7. Voilà pour les Palmarès C'est Fou. On va se retrouver jeudi prochain en direct entre 14h et 17h. Après nous, c'est La Spirale qui s'en vient à 18h. On joue les vendredis à 17h et les lundis à 13h. Ce qui nous suit le lundi, c'est les Ladies du Boudoir. Avec, je crois, si je me trompe pas, leur dernière émission, au moins qu'elle l'a déjà fait. Je crois qu'elle l'a peut-être déjà fait. Je dis peut-être n'importe quoi. Qu'en sais-je? Alors là, t'es allé trop vite pour que je te... Imagine si moi je suis pas au courant, si toi t'es au courant. Hein? Hey. Donc voilà, à la semaine prochaine, avant de se quitter, par contre, on va parler de l'événement qui s'en vient le mardi 1er mai, Mikey. Ouais, c'est ça, mardi 1er mai. Donc ce sera une émission un peu fil rouge, un peu... Voilà, une émission record de 13h, donc on animera ça, bah, toi et moi, justement. Bah oui. Et puis, il y aura plein de discussions, plein de jeux, plein de tout ça. Et plein puis, de jeux voilà. De mots, sûrement aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, hein. Plein de jeux de mots, là, parce qu'apparemment, on va bien se compléter tous les deux. Ah, ça va être juste le fun, là. Donc, voilà. Bon, branchez vos écouteurs. Si jamais, vous voulez même venir, prendre un micro, voilà, dire quelque chose sur C'est Fou, sur les musiques que vous aimez bien, venez. Et puis, voilà. Nous, plus c'est interactif, mieux c'est, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça va être le 1er mai, mardi, entre 6h et 19h. On va avoir beaucoup de plaisir. 6h à 19h, c'est ça, exactement. Et puis on recevra aussi d'autres animateurs, peut-être de ces fous, là. On verra ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, venez, soyez au rendez-vous le 1er mai. Ce sera juste énorme, quoi. Ce sera l'émission de fin de session et c'est en plus le jour de fin de session universitaire, quoi. Avec les hot dogs et tout, ça va être une grosse partie de plaisir. 1er mai, dès 6h le matin. Merci beaucoup, Mikey, pour ta présence aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir, Mathieu. Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Jeudi à 14h. Passez une excellente semaine ou fin de semaine. Bye bye. Salut à tous.